Hélas, chère Crevel, il ne s'agit pas de nos enfants, pauvres dévoués. Si votre cœur se ferme pour Victorin et Célestine, je les aimerai tant que peut-être pourrais-je adoucir l'amertume que met dans leurs belles âmes votre colère. Vous punissez vos enfants d'une bonne action. Oui, d'une bonne action mal faite, c'est un demi-crime, dit Crevel, très content de ce mot. Faire le bien, mon cher Crevel, reprit la baronne, ce n'est pas prendre l'argent dans une bourse qui en regorge, c'est endurer des privations à cause de sa générosité, c'est souffrir de son bienfait, c'est s'attendre à l'ingratitude. La charité qui ne coûte rien, le ciel l'ignore. Il est permis, madame, aux saints d'aller à l'hôpital. Ils savent que c'est, pour eux, la porte du ciel. Moi, je suis un mondain. Je crains Dieu, mais je crains encore plus l'enfer de la misère. Être sans le sou, c'est le dernier degré du malheur dans notre ordre social actuel. Je suis de mon temps. J'honore l'argent. Vous avez raison, dit Adeline, au point de vue du monde. Elle se trouvait à 100 lieues de la question, et elle se sentait comme Saint-Laurent sur un gril, en pensant à son oncle, car elle le voyait se tirant un coup de pistolet. Elle baissa les yeux, puis elle les releva sur Crevel, plein d'une angélique douceur, et non de cette provocante luxure si spirituelle chez Valérie. 3 ans auparavant, elle eût fasciné Crevel par cet adorable regard.